Le chef de la délégation du Parti communiste suédois, Robert Mathiasson, qui est persuadé de la puissance coréenne, a dit que la Corée est un pays authentiquement socialiste, de plus en plus prospère. Étonné par le développement spectaculaire de la Corée, il a affirmé que ce développement surprenant représente la victoire de la cause socialiste, que des calomnies de certains médias de l'Occident à l'égard de la Corée sont très falsifiées et injustes, qu'il a compris que tout cela est tout à fait différent avec la réalité, et que dans ce pays, toutes les masses travailleuses jouissent de tous les droits de l'être humain social en tant que maître du travail et bénéficiaire de la civilisation.